Depuis le Cap Haïtien, vous écoutez Radio 80EH, la voix évangélique d'Haïti. Il est 1h. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur vous parle, écoutez-le. Ainsi parle l'Éternel, le chemin du salut par la prédication. Et je nous garde dans le livre Néhémie. Jeudi à ce 18 décembre, dans Néhémie 13, verset 31, il dit: Moi, bah, il est.